Chapitre 19e, le triangle. À la porte de la salle des archives brûlait effectivement un immense feu de paperasse. Malheureusement, un des premiers besoins du peuple après la victoire, c'est la destruction. Les archives de la Bastille étaient envahies. C'était une vaste salle encombrée de registres et de plans. Les dossiers de tous les prisonniers enfermés depuis 100 ans à la Bastille étaient confusément enfermés. Le peuple lacérait ses papiers avec rage. Il lui semblait sans doute qu'en déchirant tous ces registres d'écrou, il rendait également la liberté aux prisonniers. Gilbert rentra. Secondé par Pitou, il se mit à compulser les registres encore debout sur les rayons. Le registre de l'année courante ne s'y trouvait pas. Le docteur, l'homme calme et froid, pâlit et frappa du pied avec impatience. En ce moment, Pitou avisa un de ces héroïques gamins, comme il y en a toujours dans les victoires populaires, qui emportait sur sa tête, en courant vers le feu, un volume de forme et de reliure pareil à celui que feuilletait le docteur Gilbert. Il courut à lui et, avec ses longues jambes, l'eut bientôt rejoint. C'était le registre de l'année 1789. La négociation ne fut pas longue. Pitou se fit connaître comme vainqueur, expliqua le besoin qu'un prisonnier avait de ce registre, lequel lui fut cédé par le gamin, qui se consola en disant « Bah, j'en brûlerai un autre ». Pitou ouvrit le registre, chercha, feuilleta. Lui, arrivé à la dernière page, il trouva ces mots. Aujourd'hui, 9 juillet 1789, est entré le sieur G, philosophe et publiciste très dangereux, le maître secret le plus absolu. Il porta le registre au docteur. Tenez, monsieur Gilbert, n'est-ce pas cela que vous cherchez ? Oh ! S'écria le docteur en saisissant le registre. Oui, c'est cela. Et il lut les mots que nous avons dits. Et maintenant voyons de qui vient l'ordre. Il chercha la marge. Necker ! S'écria-t-il. L'ordre de m'arrêter est signé par Necker, mon ami. Oh, bien certainement, il y a ici quelque surprise. Necker est votre ami ? S'écria la foule avec respect, car on se rappelle quelle influence avait ce nom sur le peuple. Oui, oui, mon ami, je le soutiens, dit le docteur. Et Necker, je suis convaincu, ignorait que j'étais en prison. Mais je vais aller le trouver. Le trouver où ? Demanda Billot. À Versailles, donc. M. Necker n'est point à Versailles. M. Necker est exilé. Où cela ? À Bruxelles. Mais sa fille ? Ah, je ne sais pas, dit Billot. La fille habite la campagne de Saint-Ouen, dit une voix dans la foule. Merci, dit Gilbert, sans même savoir à qui il adressait son remerciement. Puis se retournant vers les brûleurs, « Ainsi, dit-il, au nom de l'histoire, qui trouvera dans ses archives la condamnation des tyrans, assez de dévastation comme cela, je vous en supplie. Démolissez la Bastille pierre à pierre, qu'il n'en reste point trace, qu'il n'en reste point vestige, mais respectez les papiers, respectez les registres, la lumière de l'avenir est là. » À peine la foule eut-elle entendu ces paroles qu'elle les pesa avec sa suprême intelligence. « Le docteur a raison !» crie sans voix. « Pas de dévastation ! À l'hôtel de ville, tous les papiers !» Un pompier qui était entré dans la cour avec 5 ou 6 de ses camarades, traînant une pompe, dirigea le tuyau de son instrument vers le foyer qui, pareil à celui d'Alexandrie, était en train de dévorer les archives du monde et l'éteignit. « Et la requête de qui avez-vous été arrêté ?» demanda Billot. « Ah, voilà justement ce que je cherche, et ce que je ne puis savoir, le nom est en blanc. » Puis après un instant de réflexion, « Mais je le saurai, » dit-il, et arrachant la feuille qui le concernait, il la plia en 4 et la mit dans sa poche. Puis, s'adressant à Billot et à Pitou, « Ami, » dit-il, « sortons, nous n'avons plus rien à faire ici. »« Sortons, » dit Billot, « seulement c'est chose plus facile à dire qu'à exécuter. » En effet, la foule, poussée dans l'intérieur des cours par la curiosité, affluait à l'entrée de la Bastille dont elle encombrait les portes. C'est qu'à l'entrée de la Bastille étaient les autres prisonniers. 8 prisonniers, y compris Gilbert, avaient été délivrés. Ils s'appelaient Jean Béchade, Bernard Laroche, Jean Lacorège, Antoine Pujade, De Witt, le comte de Solages et Tavernier. Les 4 premiers n'inspiraient qu'un intérêt secondaire. Ils étaient accusés d'avoir falsifié une lettre de change, sans que jamais aucune preuve se soit élevée contre eux, ce qui ferait croire que l'accusation était fausse. Ils étaient à la Bastille depuis 2 ans seulement. Les autres étaient le comte de Solages, De Witt et Tavernier. Le comte de Solages était un homme de 30 ans à peu près, plein de joie et d'expansion. Il embrassait les libérateurs, exaltait leur victoire, leur racontait sa captivité. Arrêté en 1782 et enfermé à Vincennes à la suite d'une lettre de cachet obtenue par son père, il avait été transporté de Vincennes à la Bastille, où il était resté 5 ans, sans avoir vu un juge, sans avoir été interrogé une fois. Depuis 2 ans, son père était mort et nul n'avait songé à lui. Si la Bastille n'eût point été prise, il est probable que nul n'y eût jamais songé. De Witt était un vieillard de 60 ans. Il prononçait avec un accent étranger des paroles incohérentes. Aux interrogations qui se croisaient, il répondait qu'il ignorait depuis combien de temps il était arrêté et pour quelle cause il avait été arrêté. Il se souvenait qu'il était cousin de M. de Sartine, voilà tout. Un porte-clés nommé Guyon avait vu en effet M. de Sartine entrer une fois dans le cachot de Witt et lui faire signer une procuration. Mais le prisonnier avait complètement oublié cette circonstance. Tavernier était le plus vieux de tous. Il comptait 10 ans de réclusion aux îles Sainte-Marguerite, 30 ans de captivité à la Bastille. C'était un vieillard de 90 ans, à cheveux blancs, à barbe blanche. Ses yeux s'étaient usés dans l'obscurité, et il ne voyait plus qu'à travers un nuage. Lorsqu'on entra dans sa prison, il ne comprit pas ce qu'on venait y faire. Quand on lui parla de liberté, il secoua la tête. Puis enfin, quand on lui dit que la Bastille était prise, « Oh ! » dit-il. Comment dire de cela le roi Louis XV, Madame de Pompadour et le duc de Lavrillière ? Tavernier n'était même plus fou. Comme De Witt, il était idiot. La joie de ces hommes était terrible à voir, car elle criait vengeance tant elle ressemblait à de l'effroi. 2 ou 3 semblaient près d'expirer au milieu de ce tumulte composé de 100 000 clameurs réunis, eux que jamais la voix de 2 hommes parlant à la fois n'avait frappé depuis leur entrée à la Bastille. Eux qui n'étaient plus accoutumés qu'au bruit lent et mystérieux du bois qui joue dans l'humidité, de l'araignée qui tisse sa toile, inaperçue, avec un battement pareil à celui d'une pendule invisible ou du rat effaré qui gratte et passe. Au moment où Gilbert parut, les enthousiastes proposaient de porter les prisonniers en triomphe, proposition qui fut acceptée à l'unanimité. Gilbert eut fort désiré échapper à cette ovation, mais il n'y avait pas moyen. Il était déjà reconnu ainsi que Billot et Pitou. Les cris « à l'hôtel de ville » retentirent et Gilbert se trouva soulevé sur les épaules de 20 personnes à la fois. En vain le docteur voulut-il résister. En vain Billot et Pitou distribuèrent-ils à leurs frères d'armes leurs plus braves coups de poing. La joie et l'enthousiasme avaient durci l'épiderme populaire. Coups de poing, coups de bois de pic, coups de crosse de fusil parurent aux vainqueurs doux comme des caresses et ne firent que redoubler leur enivrement. Force fut donc à Gilbert de se laisser élever sur le pavois. Le pavois était une table au milieu de laquelle on avait planté une lance destinée à servir de point d'appui au triomphateur. Le docteur domina donc cet océan de têtes ondulant de la Bastille à l'arcade Saint-Jean, mer pleine d'orage, dont les flots emportaient au milieu des pics, des baïonnettes et des armes de toute espèce, de toute forme et de toute époque, les prisonniers triomphateurs. Mais en même temps qu'eux, cet océan terrible et irrésistible roulait un autre groupe tellement serré qu'il semblait une île. Ce groupe, c'était celui qui emmenait Delaunay prisonnier. Autour de ce groupe, des cris non moins bruyants, non moins enthousiastes que ceux qui accompagnaient les prisonniers se faisaient entendre, mais ce n'étaient pas des cris de triomphe, c'était des menaces de mort. Gilbert, du point élevé où il se trouvait, ne perdait pas un détail de ce terrible spectacle. Seul, parmi tous ces prisonniers qu'on venait de rendre à la liberté, il jouissait de la plénitude de ses facultés. 5 jours de captivité ne faisaient qu'un point obscur dans sa vie. Son œil n'avait pas eu le temps de s'éteindre ou de s'affaiblir dans l'obscurité de la Bastille. Le combat d'ordinaire ne rend les combattants impitoyables que pendant le temps qu'ils durent. En général, les hommes sortant du feu où ils viennent de risquer leur propre vie sont pleins de mansuétude pour leurs ennemis. Mais dans ces grandes émeutes populaires, comme la France on a tant vu depuis la Jacquerie jusqu'à nous, les masses que la peur a retenues loin du combat, que le bruit a irritées, les masses, à la fois féroces et lâches, cherchent après la victoire à prendre une part quelconque à ce combat qu'elles n'ont osé affronter en face. Elles prennent leur part de la vengeance. Depuis sa sortie de la Bastille, la marche du gouverneur était le commencement de son supplice. Élie, qui avait pris la vie de M. Delaunay sous sa responsabilité, marchait en tête, protégé par son uniforme et par l'admiration populaire qu'il avait vue marchant le premier au feu. Il tenait à la main, au bout de son épée le billet que M. Delaunay avait fait passer au peuple par une des meurtrières de la Bastille et que lui avait remis Maillard. Après lui venait le garde des impositions royales, tenant à la main les clés de la forteresse, puis Maillard portant le drapeau, puis enfin un jeune homme montrant à tous les yeux, percé par sa baïonnette, le règlement de la Bastille, haut du rescrit en vertu duquel avaient coulé tant de larmes. Puis enfin venait le gouverneur, protégé par Hulin et par deux ou trois autres, mais qui disparaissait au milieu des poings menaçants, des sabres agités, des piques frémissantes. À côté de ce groupe, et roulant presque parallèlement à lui dans cette grande artère de la rue Saint-Antoine, qui communique des boulevards au fleuve, on en distinguait un autre non moins menaçant, non moins terrible, c'était celui qui entraînait le major de l'homme, que nous avons vu apparaître un instant pour lutter contre la volonté du gouverneur et qui avait enfin plié la tête sous la détermination prise par celui-ci de se défendre. Le major de l'homme était un bon, brave et excellent garçon. Bien des douleurs lui avaient dû un adoucissement depuis qu'il était à la Bastille, mais le peuple ignorait cela. Le peuple, à son brillant uniforme, le prenait pour le gouverneur, tandis que le gouverneur, grâce à son habit gris, sans broderie aucune et dont il avait arraché le ruban de Saint-Louis, se réfugiait dans un certain doute protecteur que pouvaient éclairer seulement ceux qui le connaissaient. Voilà le spectacle sur lequel dominait le regard sombre de Gilbert, ce regard toujours observateur et calme, même au milieu des dangers qui étaient personnels à cette puissante organisation. Hulin, en sortant de la Bastille, avait appelé à lui ses amis les plus sûrs et les plus dévoués, les plus vaillants soldats populaires de cette journée, et quatre ou cinq avaient répondu à son appel et tentaient de seconder son généreux dessein en protégeant le gouverneur. C'étaient trois hommes dont l'impartiale histoire a consacré le souvenir. Ils se nommaient Arnay, Chola et de Lépine. Ces quatre hommes, précédés, comme nous l'avons dit, par Hulin et Maillard, tentaient donc de défendre la vie d'un homme dont 100 000 voix demandaient la mort. Autour d'eux s'étaient groupés quelques grenadiers des gardes françaises, dont l'uniforme, devenu plus populaire depuis 3 jours, était un objet de vénération pour le peuple. M. Delaunay avait échappé au coup tant que les bras de ses généreux défenseurs avaient pu parer les coups, mais il n'avait pu échapper aux injures et aux menaces. Au coin de la rue de Jouy, les 5 grenadiers des gardes françaises qui s'étaient joints au cortège à la sortie de la Bastille, pas un ne restait. Ils avaient, l'un après l'autre, été enlevés sur la route par l'enthousiasme de la foule et peut-être aussi par le calcul des assassins, et Gilbert les avait vus disparaître l'un après l'autre comme les boules d'un chapelet qui s'égrène. Dès lors, il avait prévu que la victoire allait se ternir en s'ensanglantant. Il avait voulu s'arracher à cette table qui lui servait de pavois, mais des bras de fer l'y tenaient rivés. Dans son impuissance, il avait lancé Billot et Pitou à la défense du gouverneur, et tous deux, obéissant à sa voix, faisaient tous leurs efforts pour fendre ses vagues humaines et pénétrer jusqu'à lui. En effet, le groupe de ses défenseurs avait besoin de secours. Chola, qui n'avait rien mangé depuis la veille, avait senti ses forces s'épuiser et était tombé en défaillance. À grand-peine, l'avait-on relevé et empêché d'être foulé aux pieds. Mais c'était une brèche à la muraille, une rupture à la digue. Un homme s'élança par cette brèche et, faisant tournoyer son fusil par le canon, il en asséna un coup terrible sur la tête nue du gouverneur. Mais Delépine vit s'abaisser la massue, il eut le temps de se jeter les bras étendus entre Delaunay et elle et reçut au front le coup qui était destiné au prisonnier. Étourdi par le choc, aveuglé par le sang, il porta en chancelant ses mains à son visage et quand il put voir, il était déjà à 20 pas du gouverneur. Ce fut en ce moment que Billot arriva près de lui, tirant Pitou à la remorque. Il s'aperçut que le signe auquel on reconnaissait surtout Delaunay, c'était que seul le gouverneur était tête nue. Billot prit son chapeau, étendit le bras et le posa sur la tête du gouverneur. Delaunay se retourna et reconnut Billot. « Merci, dit-il, mais quelque chose que vous fassiez, vous ne me sauverez pas. » « Atteignons seulement l'hôtel de ville, dit Hulin, et je réponds de tout. »« Oui, dit Delaunay, mais l'atteindrons-nous ? Avec l'aide de Dieu, nous le tenterons au moins, dit Hulin. » En effet, on pouvait l'espérer. On commençait à déboucher sur la place de l'hôtel de ville, mais cette place était encombrée d'hommes aux bras nus, agitant des sabres et des piques. La rumeur qui courait par les rues avait annoncé qu'on leur amenait le gouverneur et le major de la Bastille, et comme une meute, longtemps retenus le nez au vent, les dents grinçantes, ils attendaient. Aussitôt qu'ils virent paraître le cortège, ils se ruèrent sur lui. Ulin vit que là était le danger suprême, la dernière lutte. S'il pouvait faire monter les escaliers du perron à Delaunay et lancer Delaunay dans les escaliers, le gouverneur était sauvé. « À moi, Élie, à moi, Maillard, à moi, les hommes de cœur » cria-t-il. « Il y va de notre honneur à tous !» Élie et Maillard entendirent l'appel. Ils firent une pointe au milieu du peuple, mais le peuple ne les seconda que trop bien. Il s'ouvrit devant eux et se referma derrière eux. Élie et Maillard se trouvèrent séparés du groupe principal qu'ils ne purent rejoindre. La foule vit ce qu'elle venait de gagner et fit un furieux effort. Comme un boa gigantesque, elle roula ses anneaux autour du groupe. Biot fut soulevé, entraîné, emporté. Pitou, tout entier à Biot, se laissa aller au même tourbillon. Ulin buta aux premières marches de l'hôtel de ville et tomba. Une première fois, il se releva, mais ce fut pour retomber presque aussitôt, et cette fois Delaunay le suivit dans sa chute. Le gouverneur resta ce qu'il était. Jusqu'au dernier moment, il ne jeta pas une plainte, il ne demanda point grâce, il cria seulement d'une voix stridente « Au moins, tigre que vous êtes, ne me faites pas languir, tuez-moi sur le champ !» Jamais ordre ne fut exécuté avec plus de ponctualité que cette prière. En un instant, autour de Delaunay tombé, les têtes s'inclinèrent menaçantes, les bras se levèrent armés. On ne vit plus pendant un instant que des mains crispées, des fers plongeants, puis une tête sortie, détachée du tronc, et s'éleva dégoûtante de sang au bout d'une pique. Elle avait conservé son sourire livide et méprisant. Ce fut la première. Gilbert avait dominé tout ce spectacle. Gilbert, cette fois encore, avait voulu s'élancer pour lui porter secours, mais 200 bras l'avaient arrêté. Il détourna la tête et soupira. Cette tête, aux yeux ouverts, se leva juste, et comme pour le saluer d'un dernier regard, en face de la fenêtre où se tenaient deux Flesselles, entourés et protégés par les électeurs. Il eût été difficile de dire lequel était le plus pâle, du vivant ou du mort. Tout à coup, une immense rumeur s'éleva à l'endroit où gisait le corps de Delaunay. On l'avait fouillé, et dans la poche de sa veste, on avait trouvé le billet que lui avait adressé le prébôt des marchands et qu'il avait montré à Delhomme. Ce billet était conçu en ces termes, on se le rappelle. « Tenez bon, j'amuse les Parisiens avec des cocardes et des promesses. Avant la fin de la journée, M. de Besenval vous enverra du renfort. De Flesselles. » Un horrible blasphème monta du pavé de la rue à la fenêtre de l'hôtel de ville où se tenait de Flesselles. Sans en deviner la cause, il comprit la menace et se rejeta en arrière. Mais il avait été vu. On le savait là. On se précipita par les escaliers et cette fois d'un mouvement si universel que les hommes qui portaient le docteur Gilbert l'abandonnèrent pour suivre cette marée qui montait sous le souffle de la colère. Gilbert voulut lui aussi entrer à l'hôtel de ville, non pour menacer, mais pour protéger de Flesselles. Il avait déjà franchi les 3 ou 4 premières marches du perron quand il se sentit violemment tiré en arrière. Il se retourna pour se débarrasser de cette nouvelle étreinte. Mais cette fois, il reconnut Biot et Pitou. « Oh !» s'écria Gilbert, qui, du point élevé où il se trouvait, dominait toute la place. « Que se passe-t-il donc là-bas » Il indiquait de sa main crispée la rue de la Tixanderie. « Venez, docteur, venez !» dirent à la fois Biot et Pitou. « Oh, les assassins !» s'écria le docteur. « Les assassins !» En effet, en ce moment, le major de l'homme tombait frappé d'un coup de hache. Le peuple confondait dans sa colère et le gouverneur égoïste et barbare, qu'avait eu le persécuteur des malheureux prisonniers, et l'homme généreux, qu'en avait constamment été l'appui. « Oh oui, oui » dit-il, « allons-nous-en, car je commence à être honteux d'avoir été délivré par de pareils hommes. « Docteur, Biot, soyez tranquille, ce ne sont pas ceux qui ont combattu là qui massacrent ici. » Mais au moment même où le docteur descendait les marches qu'il avait monté pour courir au secours de deux Flesselles, le flot qui s'était engouffré sous la voûte était vomi par elle. Au milieu de ce torrent d'hommes, un homme se débattait entraîné. « Au palais royal ! Au palais royal !» cria la foule. « Oui, mes amis, mes bons amis, au palais royal !» répétait cet homme, et il roulait vers le fleuve comme si l'inondation humaine eût voulu non pas le conduire au palais royal, mais l'entraîner dans la Seine. « Oh ! S'écria Gilbert, encore un qu'ils m'ont égorgé. Tâchons de sauver celui-là, du moins. mais à peine ces paroles étaient-elles prononcées qu'un coup de pistolet se faisait entendre et que deux flacelles disparaissaient dans la fumée. Gilbert couvrit ses yeux de ses deux mains avec un mouvement de sublime colère. Il maudissait ce peuple qui, étant si grand, n'avait pas la force de rester pur et qui souillait sa victoire par un triple assassinat. Puis, quand ses mains s'écartèrent de ses yeux, il vit trois têtes au bout de trois pics. La première était celle de deux flacelles, la seconde celle de Delhomme, la troisième celle de Delaunay. L'une s'élevait sur les degrés de l'hôtel de ville, l'autre au milieu de la rue de la Tixanderie, la troisième sur le quai Pelletier. Par leur position, elles figuraient un triangle. « Oh, Balsamo, Balsamo !» murmura le docteur avec un soupir. « Est-ce donc avec un pareil triangle que l'on symbolise la liberté ?» Il s'enfuit par la rue de la Bannerie, entraînant après lui Billot et Pitou.